ce genre de captivité est une expérience intransmissible, incommunicable. Le système concentrationnaire soviétique est la dénégation du goulag. Le peuple de France proclame hautement sa confiance dans l'Union soviétique, principale force de paix dans le monde et garante d'un avenir radieux pour toute l'humanité. Vive le 38e anniversaire d'octobre! Vive le drapeau victorieux de Marx, Engels, Lénine et Staline! Vive le communisme! La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Avant que ne s'esquisse enfin la déstalinisation, c'était le secrétaire général du Parti communiste français en décembre 1955. Notre invité Sophie Curé, bonjour. Bonjour. Pour Maurice Thorez, c'était lui qu'on entendait. Une grande lueur s'était allumée à l'Est, je reprends le titre d'un de vos livres, et il n'était pas question de l'occulter. Oui, tout à fait. La grande lueur à l'Est, il faut s'imaginer ça aujourd'hui. On la sentait encore un peu plus tard, en 67, au moment du 50e anniversaire de la révolution bolchevique à Paris. Oui, c'est tout un siècle soviétique qui commence en 1917. Et c'est effectivement très important, quand on s'intéresse à l'histoire du goulag, de repartir de ce moment fondateur où la révolution veut rayonner dans le monde entier, mais où en même temps, elle se sent agressée, elle se sent encerclée, elle est en guerre civile, et donc ses dirigeants, et Lénine le premier, décident de punir sans pitié la contre-révolution. Et les forces qui sont susceptibles, sans même avoir toujours posé des actes, de la porter. C'est pour ça, on l'a dit à plusieurs reprises depuis le début de cette semaine, qu'a été ouvert dans l'archipel des Solovki, dans la mer Blanche, au large de ce qui est maintenant Leningrad, un premier camp laboratoire que le grand écrivain du peuple, Maxime Gorki, s'en va visiter à la fin des années 20. Le 29 juin 1929, un bateau aborde le petit port de Solovki. Au lieu des condamnés qui débarquent habituellement, un groupe de gens, souriant et gesticulant vivement, pose le pied à terre. Il y a parmi eux plusieurs tchéquistes en vareuse militaire, mais aussi un homme en civil. Maxime Gorki, le chantre de la révolution bolchevique, l'écrivain préféré de Staline. Gorki passe quelques jours sur l'archipel. Les autorités ont pris soin que le camp lui apparaisse sous son meilleur jour. Les détenus, eux, partagent cette idée, si forte dans la tradition russe, que l'écrivain est le protecteur des faibles. Nombre d'artistes et de littérateurs se trouvent parmi eux. Après le départ de Gorki, ils lui écrivent pour lui faire connaître leur situation réelle. Les lettres sont bien sûr interceptées par l'administration du camp. Certains de leurs auteurs les paieront de leur vie. L'essai de Gorki, qui chante les louanges de ces camps d'un type nouveau, d'une école du travail, conçue pour la rééducation et la transformation de la nature humaine, est publié à son retour des Solovki en 1929. Gorki qui va récidiver un peu plus tard en chantant les louanges du canal construit par les déportés. Gorki qui va disparaître ensuite dans des circonstances peut-être étranges. La rééducation, Sophie Curé. Donc les bolcheviks croient à la rédemption. Les bolcheviks, tout à fait, croient à la rédemption, ou en tout cas à la rééducation, d'une partie seulement, d'ailleurs, des ennemis du peuple, puisque la peine de mort est tout à fait pratiquée. Mais en revanche, que ce soit pour les détenus de droit commun ou pour une partie des détenus politiques, il y a des prisons et donc il y a aussi des camps où l'on se rééduque à la fois politiquement, culturellement et par le travail. Le texte de Gorki paraît en 1929. Notre axe, ça va être pour nous, pendant cette émission, de parler de l'écho que le goulag reçoit en France. Deux ans avant le texte de Gorki, un premier livre chez Talandier, dans le 14e arrondissement de Paris, Duguay. Raymond Duguay, qui publie effectivement ce premier ouvrage sur les Solovki à partir de documentation qu'il a recueillie dans la presse, chez les émigrés russes aussi, et qui décrit de façon assez précise ce système de l'archipel des Solovki, avec un certain nombre d'éléments qui sont étonnants et qui ne vont d'ailleurs pas être compris par le public français. Comme par exemple l'articulation dans le même système de détenus politiques et de droit commun, ou bien comme le fait qu'il y ait une répression tout à fait légale, mais il y a aussi une répression administrative extra-légale. Et puis, il y a le travail forcé. Donc tous ces éléments sont présents dans l'ouvrage de Raymond Duguay, et pourtant, il ne va pas être reçu, il ne va pas être compris, parce que Raymond Duguay, c'est aussi un homme de droite, voire d'extrême droite, antisémite, et qui termine son ouvrage par des descriptions tout à fait délirantes des tortures de la Tchéka, des supplices chinois, etc. Donc il se situe dans un camp. Et dès lors... Parler de la répression politique, parler des camps, c'est aussi se situer dans un camp hostile à l'espoir porté par la Révolution. Et comme là, un peu plus tard, Tintin au pays des Soviets. Tintin au pays des Soviets, c'est 1929, et c'est aussi à partir d'un témoignage tout à fait véridique, celui de Douillet, qui était le consul de Belgique, mais il se positionne aussi. Et ça va être d'autant plus vrai dans les années 30, quand il y a la menace fasciste, Hitler, et c'est ce que François Furet va appeler la force d'intimidation de l'antifascisme. C'est-à-dire que désormais, il faut se placer dans un camp et donc dénoncer le stalinisme, puisque les années 30, désormais, c'est le système stalinien, eh bien, c'est aussi, quelque part, se situer dans le mauvais camp. Alors, j'ai cité votre livre, La Grande Lueur à l'Est, mais il y en a un autre collectif que vous avez animé, Cousu de fil rouge, et qui étudie les voyages, parlons simplement des années 30, qui ont eu lieu en URSS. Ces voyages font partie de ce qu'on peut appeler une diplomatie culturelle ou même une diplomatie d'influence qui est développée de façon assez inédite par Moscou pour défendre une image positive des réalisations socialistes. Et parmi ces moyens, eh bien, il y a l'invitation d'intellectuels ou de groupes de voyageurs. C'est le tourisme politique. Et ce sont des archives qui sont maintenant accessibles et qu'on a publiées dans cet ouvrage avec Rachel Mazui. Et on voit la préparation de ces voyages. Il y a une agence spécialisée. Il y a l'Intouriste, notamment, qui organise ça, ou bien la Vox, l'acronyme pour les relations culturelles avec l'étranger. Et on voit cette soigneuse préparation, et notamment on comprend aussi ce que les voyageurs ne voient pas, bien sûr. Ils ne voient pas cet archipel concentrationnaire qui commence à se développer, qui est évidemment très très loin des zones visitées par les voyageurs, mais il y a un autre élément qui est effacé, qui est invisibilisé, c'est la famine en Ukraine. Et donc ce sont déjà au début des années 30 des millions de morts qui disparaissent finalement du débat. Ne pensons pas que la critique ne vienne que de la droite ou de l'extrême droite. Il y a aussi une critique venue des oppositionnels qui ont pu partager les idéaux communistes. Je pense à Pierre Monnat, La Révolution prolétarienne, une publication peut-être confidentielle mais importante à laquelle participe la grande philosophe Simone Veil. Et puis je pense à Boris Souvarine qui a été un des premiers animateurs du Parti communiste français, qui a vécu à ce titre assez longtemps à Moscou et qui a publié au milieu des années 30 un maître livre, un très gros livre sur Staline. L'URSS n'est que mensonge, de la base au fait. Dans les quatre mots que représentent ces quatre initiales, il n'y a pas moins de quatre mensonges. Le mensonge est l'élément naturel de la société pseudo-soviétique. Staline, d'après la loi fondamentale, n'existe pas. Mensonge. Le parti élite de la population, mensonge. Les droits du peuple, la démocratie, les libertés, mensonge. Les plans quinquennaux, les statistiques, les résultats, les réalisations, mensonge. Les textes et les chiffres, mensonge. Les preuves, mensonge. Les photos, mensonge. Les témoins, les témoignages, faux témoins, faux témoignages. Les assemblées, les congrès, théâtre, mise en scène. La dictature du prolétariat, immense imposture. La spontanéité des masses, méticuleuse organisation. Stakhanov, un menteur. Le stakhanovisme, un mensonge. La vie joyeuse, une farce lugubre. L'homme nouveau, un ancien gorille. la culture une inculture. Unique réalité, la terreur, qui décompose les esprits et empoisonne les consciences. Le mensonge est le premier corollaire de la terreur. Alors, les armes de la réplique des communistes qui deviennent, au milieu des années 30, de plus en plus nombreux en France, sont faciles à imaginer. Ce sont des traîtres, ce sont des renégats, et on ne peut pas avoir confiance en leurs paroles. Oui, tout à fait. On se trouve dans un débat finalement de parole contre parole, de propagande finalement contre propagande. Et dans cette discussion, eh bien, les opposants, les critiques et les témoins de la répression politique en URSS se trouvent démunis parce que d'une part ils sont moins nombreux et puis ils sont divisés, c'est-à-dire que il y a d'un côté ces antistaliniens de gauche comme Boris Souvarine, mais il y a aussi les trotskistes qui ne sont pas forcément ses amis, et puis il y a encore par exemple les émigrés blancs comme quelqu'un qui est complètement oublié maintenant, qui s'appelait Ivan Soloniévitch, qui publie en France pourtant en 1938 un témoignage très fort, Barbelé rouge, mais qui évidemment ne sera pas non plus, ne pourra pas faire alliance avec la gauche. La dénégation du goulag, on n'a pas assez entendu Sophie Curé dans cette série. Le très beau disque de Dina Vierny, composé à partir du répertoire des détenus des ZEC. А ты хохочешь, ты все хохочешь, кто-то снял тебя в полный рост, хороводишься с кем захочешь, за 7000 отсюда вёрст, хороводишься с кем захочешь. За 7000 отсюда вёрст. А у меня здесь, что у меня здесь? Снег да вьюга и мороз берёт в тиски. Но мне жарче, чем тебе на юге, от ревности и от тоски. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Un homme, une femme, des milliers de verstes qui les séparent. Une chanson interprétée par Dina Vierny. Notre invitée sur la dénégation du goulag en France, c'est Sophie Curé. Alors évidemment, Sophie Curé, la guerre où enfin Staline va rejoindre les alliés après l'attaque de Hitler ne facilite pas la pénétration de la vérité sur le goulag. On a parlé de la Colima, cette grande zone qui est une sorte d'île au nord-est. Le vice-président américain, Wallace, y est allé, n'a rien vu, dans la glace que du feu. Oui, c'est un épisode assez frappant de c'est ce qu'on peut appeler ces voyages Potemkin, cette fabrication d'une image, hein, ce vice-président américain Wallace qui, en route vers la Chine, s'arrête à la Colima et dans le Dalstroy, donc en plein dans le système concentrationnaire, et ne voit que des prisonniers qui lisent tranquillement au chaud, qui travaillent mais pas trop, etc. Alors, est-ce qu'il n'a pas vu ou est-ce qu'il n'a pas voulu voir? C'est toute la question qui se pose sur cette question du témoignage, parce que on est encore en 1944, la guerre n'est pas finie, et il s'agit de la Grande Alliance. Et bien sûr, la situation va complètement changer avec la guerre froide, avec la rupture de 1947, où de nouveau il va y avoir deux camps, mais ça sera les États-Unis contre l'URSS. La Grande Alliance, ça supposait que du matériel américain, avec le mécanisme du pré-bail, arrive en URSS. Ça supposait aussi que non seulement les Américains viennent en Union soviétique, mais que des Soviétiques soient à Washington. Et c'était le cas, nous sommes maintenant, renversement de situation, début de la guerre froide, d'un nommé Kravchenko qui travaille aux États-Unis pour les échanges. Soviéto-américain. Oui, Viktor Kravchenko, c'est un dirigeant plutôt de d'importance moyenne, hein. Ce n'est pas un grand renégat, mais c'est quand même un renégat intéressant parce qu'il a vu beaucoup de choses. Ça va être un renégat. Il va nous être dit, j'ai choisi la liberté. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il est envoyé aux États-Unis, et c'est là qu'il fait donc défection et qu'il publie cet ouvrage qui sera traduit donc en France sous le titre de J'ai choisi la liberté et qui fera scandale. Alors, qui n'est pas non plus le premier d'après-guerre, puisque dans la grande tourmente, le grand maelstrom de l'après-guerre, il y a une nouvelle vague de témoignages. Ces témoignages, ils viennent de Polonais, ils viennent de Baltes, ils viennent de Hongrois, qui se sont retrouvés dans les camps staliniens et qui, par des itinéraires souvent absolument invraisemblables, se retrouvent en Europe occidentale et publient. Mais de nouveau, ils ne sont pas entendus, même s'ils sont publiés. Et c'est vraiment Kravchenko. J'ai choisi la liberté, lui, il est tiré en France à des centaines de milliers d'exemplaires, vendu en une année à 500 000 exemplaires, alors que c'est un petit éditeur qui le publie. Suspect, disent les communistes. Oui, c'est un énorme succès de librairie, mais qui est aussi un succès de polémique. Ouais. C'est-à-dire, c'est le procès qui va opposer Kravchenko aux lettres françaises, donc au journal communiste. Intellectuel, hebdomadaire. Voilà, qui l'accuse en fait, qui l'accuse d'être le prête-nom de la propagande américaine et d'avoir 500 000 exemplaires suspects. Et vous n'êtes pas l'auteur, Kravchenko, disent les lettres françaises, à qui Kravchenko va intenter un procès. Alors ce procès va être suivi par tous les médias, enfin un peu moins par Le Monde que par Le Figaro, beaucoup par la Radio Nationale, c'est la salle des combles. Hein. Oui, c'est un procès absolument qui fait vraiment scandale, qui est d'ailleurs aussi photographié, filmé, et dans lequel on va voir défiler des témoins extraordinaires, et il faut dire... C'est un procès que Kravchenko a gagné. Oui, mais attendez, le suspense. On va entendre Frédéric Potcher. Lui, il sait ménager le suspense, Sophie Curie. Alors, tous les témoins qui viennent pour le Parti communiste, ils sont peut-être 40, Emmanuel Dastier, Vercors, Cassou, qui ne sont pas des membres officiels du Parti communiste, on va dire, peut-être des compagnons de route. Peu de témoins du côté Kravchenko, moins, mais... Vous parliez du maelstrom des allers-retours entre les Allemands et les Soviétiques. Mais, témoignage central. On voit s'approcher de la barre une femme en noir de petite taille et aux yeux très clairs. Madame Buber Neumann, Marguerite, demeurant à Stockholm, écrivain, fille du philosophe allemand Martin Buber, et femme, veuve sans doute, de Hans Neumann, qui fut jadis membre du Politburo du Parti communiste allemand. Madame Neumann parle en allemand. Mon mari, dit-elle en substance, fut appelé à Moscou en raison de sa déviation politique. En 1938, Madame Neumann est arrêtée à son tour et accusée d'activité contre-révolutionnaire. J'avais eu une action oppositionnelle en 1931-32 à l'intérieur du Parti communiste allemand, dit-elle. Je suis condamné à 5 ans de camp de travail de redressement. C'est alors le séjour dans la région pénitentiaire de Karaganda, dans le sud sibérien. Là, on fait les plus durs travaux agricoles, on couche dans des huttes d'argile pleines de punaises. Mais il y eut le pacte germano-soviétique. Un beau jour, on me transporte dans une prison de Moscou. Puis un autre jour, Madame Neumann apprit qu'elle était expulsée. Et elle arrive ainsi à Brest-Litovsk, ville frontière entre la Pologne soviétique et la Pologne allemande. Il y a là un pont frontière. Le NKVD remet Madame Neumann et 20 de ses compagnons, tous anciens communistes, à des soldats allemands qui sont à l'autre bout du pont. Ce sont des SS. Et cela finit à Ravensbrück, d'où Madame Neumann sera libérée le 21 avril 1945. Et cette déposition se termine par ces mots. J'ai vu et j'ai connu deux dictatures, je puis le dire, et leurs conséquences les plus sombres. Alors attendez, c'est quand même inouï à comprendre. Neumann, le mari de Marguerite Buber, est un dirigeant du Parti communiste allemand qui trouve que la politique du Parti communiste allemand contre le nazisme n'est pas efficace. Il va, après avoir été réinstallé à Moscou, être exécuté à Moscou. Et elle est emprisonnée dans le goulag et elle est livrée par Staline au moment du pacte germano-allemand aux nazis. Mais alors, quand on entend ça pendant le procès Kravchenko, début 49, c'est... Oui, c'est une scène saisissante qu'elle raconte à la barre et qui ne peut que frapper les esprits parce que, d'abord, elle n'est incontestablement pas une ennemie du communisme. Et c'est une femme qui parle sincèrement et qui raconte la manière dont, effectivement, Staline, après avoir donc purgé, déporté ou exécuté une partie de sa propre élite dans les grandes purges en 1936, 37, 38, soviétiques, au moment du pacte germano-soviétique, livre une partie donc des opposants à Hitler, à Hitler lui-même. Donc Margaret Buberneman a connu finalement à la fois la déportation et le goulag à Karaganda et Ravensbrück, qui parle beaucoup plus au public français et qui connaît bien. Maintenant, on est à la fin des années 40, qui a vraiment des images de ces camps nazis. Donc c'est un témoignage qu'il est très difficile de réfuter et qui sera frappant. Cependant, le témoignage, l'ouvrage de Margaret Buberneman qui s'appelle Le prisonnier chez Staline et Hitler, c'est intéressant de souligner qu'en France, il va être publié en fait en deux parties. C'est-à-dire qu'on va finalement toujours dissocier et interpréter différemment le goulag et le système répressif et le système génocidaire nazi. Alors que quand elle était en camp, avec Milena, la fiancée de Kafka, à qui elle a consacré un autre ouvrage, avec Germaine Tillon, elle racontait à ses camarades ce qu'elle avait vécu en Union soviétique auparavant. Alors vous nous avez défloré le procès, donc les lettres françaises du journal communiste Le Père, mais attention, le tribunal correctionnel dit, moi je ne suis pas compétent pour parler du régime soviétique. Il n'y aura pas de machine judiciaire qui mettra en cause le régime soviétique, ce qui fera plaisir au Parti communiste français qui voit surgir un nouveau personnage, surgit de l'extrême gauche, David Rousset, ancien communiste, ancien trotskiste, camarade dans un parti éphémère qu'il a fondé avec lui de Jean-Paul Sartre. David Rousset a été déporté et fin 49, il lance un appel à tous les déportés passant au-dessus des fédérations, des organisations de camarades. Nous ne pouvons pas tolérer qu'il y ait d'autres camps de concentration dans le monde. Oui, c'est un article qui va de nouveau faire scandale et de nouveau faire polémique, puisque David Rousset, justement, là encore, parle de la gauche et dénonce finalement la survie insupportable des pratiques, non pas les mêmes, mais des pratiques comparables que sont la déportation, le travail forcé, la mort de faim, de froid, de maladie dans des camps. Et c'est lui qui va apporter ce terme de système concentrationnaire, de régime concentrationnaire. Et d'ailleurs, plus tard, la philosophe Hannah Arendt, qui va porter la réflexion sur le totalitarisme, reconnaîtra sa dette envers David Rousset. Mais voyons combien la situation est compliquée. David Rousset a publié un des premiers grands livres sur le système concentrationnaire allemand. Il est ami de Robert Antelme, le mari de Marguerite Duras, qui a lui aussi publié un grand livre sur le système concentrationnaire allemand. Antelme n'accepte pas la campagne de Rousset. Il y a des accusations qu'il ne faut pas porter. Ce que tu as fait, tu l'as fait dans des circonstances inacceptables. Tu savais pertinemment ce que ça allait signifier politiquement. Je te serre encore la main, mais dans une noire amertume. Alors ça, c'est la réaction pleine de réserve, parce que marquée par l'amitié de Antelme. Quant aux lettres françaises, elles traitent David Rousset de tous les noms. Et qu'est-ce qu'il fait ? Un procès. Il porte plainte contre les lettres françaises et voilà. Les lettres françaises perdent le procès. De nouveau. Et Rousset va créer dans la foulée une commission qui va faire un immense travail de documentation. Alors voilà la voix de cet homme qui était corpulent, impressionnant, un peu stentor. Je dis, il y a aujourd'hui des accusations précises à l'égard de l'Union soviétique. Je dis ensuite que l'Union soviétique a été notre allié et que nous avons participé avec elle dans le même combat, qu'ensuite elle se prétend le pays de la liberté, et qu'en cela, elle est un cas exceptionnel. Je prétends que c'est un honneur que nous lui faisons, en lui adressant une demande d'enquête à elle d'abord. Non point pour restreindre à elle seule cette enquête, mais parce que précisément c'est en fonction des rapports anciens qui ont été établis entre nous que nous lui posons d'abord cette question. Ensuite, je ne crois pas qu'on puisse examiner le problème des camps de concentration sous les trois angles d'un système pénitentiaire. Nous avons des milliers de prisonniers qui existent, qui montrent qu'il y a là un système de production économique dans lequel les hommes sont écrasés par des conditions très particulières. Le problème posé par nous, c'est de savoir si ces témoignages sont vrais. Et cela a une importance considérable. S'ils sont vrais, il faudra que chacun d'entre nous en tire la conclusion, quelle que soit l'étiquette du régime intéressé. Pendant des lustres, un immense travail de documentation par la commission Rousset. Un travail collectif qui va fonctionner pour recueillir des preuves. La question de la vérité, comme il le dit très bien, est tout à fait fondamentale. Donc une enquête qui est faite dans tous les pays, avec un travail très très minutieux, et dont l'intérêt aussi est finalement de porter la réflexion à un système de camps qui va être aussi, par exemple, déjà le système chinois, mais qui aussi dénonce les camps en Grèce, et donc, en Algérie, le système colonial, ouais. Donc une réflexion globale finalement sur ces crimes de masse et sur les camps. Mais c'est la voix d'un homme seul qui va se frayer un chemin, facilité par la déstalinisation commencée sous l'égide de Khrouchtchev en URSS en 1962, la revue Novimir accepte de publier le témoignage d'Alexandre Solzhenitsyn, une journée d'Ivan Denisovitch. On entend ici, parlant de ce livre clé qui a eu beaucoup d'écho en France, Jean Catala, qui ensuite va traduire Solzhenitsyn. Pour ceux qui ne l'avaient pas vécu, le bagne restait un lieu abstrait. Ceux qui y avaient perdu un parent ou un ami ne se représentaient pas la réalité qu'il y avait derrière un avis de décès ou de réhabilitation, et les survivants gardaient le silence, sauf entre soi, parce que l'expérience concentrationnaire est de toutes les expériences la moins communicable. Je crois que je peux en témoigner, ayant connu aussi les camps du Kazakhstan. Et voilà que d'un coup, en novembre 1962, Solzhenitsyn déchire le rideau de ténèbres. À travers le bagne de la steppe où Chourov vit interminablement sa journée, c'est la vie de tous les camps qui devient soudain réalité tangible pour ceux qui n'ont pas vécu cela. Parce que l'un d'eux l'a décrite, les réchappés savent désormais qu'il n'y a plus rien d'innommable. Parce qu'ils sentent que les autres, grâce à Solzhenitsyn, peuvent désormais comprendre, les langues se délient. Et à mesure que chacun ouvre les vannes à ce qu'il a si longtemps refoulé, les consciences se libèrent. La journée d'Ivan Denisovitch se déroule au début des années 50, dans un camp au moment précis où avait lieu le procès David Rousset à Paris. David Rousset qui va défendre Solzhenitsyn en ajoutant « Il ne nous apprend rien que nous n'ayons déjà documenté ». Solzhenitsyn n'apprend rien, mais ce qui est très important, c'est qu'il parle de l'intérieur de l'Union soviétique. Donc ce n'est plus un ennemi de l'extérieur, vendu aux Américains ou à la police française. C'est un témoin de première classe, parce que aussi c'est un grand écrivain. Et ça sera encore plus vrai avec l'archipel du Goulag, qui va être publié à l'étranger. Il ne peut plus le publier en URSS. C'est la fin de la parenthèse de la déstalinisation, et qui causera son exil, et qui sera reçu à la fois comme un grand roman, un grand texte, mais aussi parce qu'il a fait un énorme travail de documentation et qu'il parle vrai, même s'il ne dit pas toujours complètement des choses exactes. Donc le choc Solzhenitsyn, ça va être la force de cet ouvrage au début des années 70, et désormais je crois que si ce terme de goulag était apparu en France progressivement après 1945, eh bien plus personne ne peut ignorer ce qui s'est passé dans les goulags soviétiques. Dites les goulags, vous nous rappelez ce que ça veut dire, goulag ? Alors goulag, c'est l'acronyme... Parce qu'au bout de quatre émissions, peut-être, l'a-t-on oublié ? Goulag, donc, c'est l'acronyme de la direction des camps, donc de la direction des camps du NKVD soviétique, donc qui a disparu quand Solzhenitsyn parle, mais dont les pratiques vont continuer de façon atténuée pendant de longues années, jusqu'à la chute du régime soviétique. La lueur à l'Est... C'est un titre que vous avez choisi, Sophie Queret, c'est un de vos livres. Cousu de fil rouge, les voyages des étrangers, notamment des Français en URSS. Merci à vous, cette émission a été préparée par Ilinka Negulesco, Franck Olivard, Frédéric Martin, avec à la technique Anne-Laure Cochet, la réalisation, c'était Audrey Ripouille.